Chapitre 113. La réprobation de souffler dans la boisson. 765. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit de souffler dans la boisson. Un homme demanda, « Et si je vois un brin de paille dans le récipient ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Enlève-le. » L'homme dit, « J'ai aussi besoin de reprendre mon souffle pour étancher ma soif. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Alors éloigne la tasse de ta bouche. » At-Tirmidhi a dit, « Hadith Hassan Sahih. » 766. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit à celui qui boit de respirer dans le récipient ou d'y souffler. At-Tirmidhi a dit, « Hadith Hassan Sahih. »